Vous écoutez la radio Isanganiro, votre station préférée, mettant depuis Bujumbura la capitale économique du Burundi. C'est l'heure du journal en français. La grande édition de cette mi-journée, nous sommes lundi 29 juin 2020, la charpente de cette édition. L'association Nabariza pour les droits des prisonniers reste confiant que les nouvelles institutions vont faire de leur mieux pour rétablir dans leurs droits les bénéficiaires de la grâce présidentielle qui leur a été accordée par feu président Pierre Nkurunziza depuis 2019. Et les transporteurs des biens à bord des vélos demandent à la police et à l'administration municipale de prendre des mesures qui s'imposent pour rétablir la situation. C'est au moment où ces derniers disent que leurs activités sont parfois perturbées car des fois ils se voient refuser de traverser le pont de la rivière Moura. Et certains commerçants du marché chez Sillon disent qu'ils travaillent à perte en raison de la fermeture des frontières suite à la pandémie du Covid-19. Un reportage à suivre dans ce journal. C'est lundi, vous en êtes habitué. Nous vous avons préparé la chronique sportive. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un arbitre de taekwondo qui doit être un pratiquant de ce sport, détenteur aussi de la ceinture de couleur noire. François Akimana assure la mise en onde. Et Evariste Nzikobanyanga assure la réalisation. Vous retrouvez Aimé Richard Niyongo à la présentation. Oh, bonjour et bienvenue. Isanganiro. Politique pour débuter ce journal. La campagne électorale pour l'élection des sénateurs est prévue du 27 juin au 17 juillet 2020. Cela ressort d'un décret du président de la République, Evariste Ndayishimiye, sorti le 25 juin de cette année. L'élection des sénateurs étant prévue le 20 juillet cette année-ci. Le décret rappelle que la campagne électorale commence à 6h du matin et se termine à 18h chaque jour. Et l'association Inusono pour la promotion des Batois Inuproban sigle se dit très satisfaite par la nomination d'une femme Mutua au poste du ministre. Emmanuel Nengo, représentant de l'Inuproba, fait savoir que c'est la première fois dans l'histoire du Burundi et reste confiant qu'Imel Dessabouchimike sera à la hauteur des missions qui lui seront confiées comme ministre de la Solidarité. Écoutez Emmanuel Nengo au micro de notre confrère fidèle d'Antoine Sabimane. Nous venons d'apprendre avec un sentiment de joie que notre collègue honorable Imel Dessabouchimike est nommé au poste du ministre. De notre côté, population Batois, nous félicitons notre collègue, nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce changement d'histoire et constater que ce gouvernement est aujourd'hui inclusif. Honorable Imel Dessabouchimike n'est pas la première fois d'être nommé dans des positions que nous considérons de prise de décision car elle a été membre de la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais, CNDI. Elle a été à la Commission anti-corruption et elle travaillait également comme expert de sauvegarde sociale pour le projet Filet Sociaux, Merangabandi, et il est toujours la vice-représentante de l'Inuproba. Imelde a des capacités intellectuelles car elle a une licence en économie. Je suis totalement confiant qu'elle va accomplir cette mission avec satisfaction. Elle sera à la hauteur de démontrer que ce qu'on disait, que les Batois sont des paresseux, ne peuvent pas assumer telle ou telle autre fonction, que nous espérons qu'elle sera à la hauteur de le faire. Ce qui est très important, c'est d'abord qu'elle soit bien accompagnée par ses collègues, par le personnel, par les partenaires, pour qu'elle puisse bien réaliser sa mission. Emmanuel Nengo, représentant légal de l'organisation locale Uniproba. Politique toujours après la Deuxième Guerre mondiale au Burundi. Le Burundi, pardon, était parmi les pays qui n'avaient pas le droit de former leurs propres armées. Une décision de la SDN, la Société des Nations, qui mettait sous le protectorat européen les pays africains qui étaient aux mains des Allemands avant leur défaite au cours de cette guerre mondiale. C'est du moins la révélation de l'historien Émile Mouroha en ce moment où le Burundi se prépare à la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Cet historien ajoute que la sécurité du Burundi était assurée par les militaires congolais avant son indépendance. Suivez. Murabona abadagi basinzwe bakava mu Burundi bakava muri Tanzania Cameroun na handi ho. Après l'échec des Allemands au Burundi, en Tanzanie, au Cameroun et ailleurs au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces pays qui étaient sous le protectorat allemand ont été récupérés par les pays européens qui venaient de remporter cette guerre mondiale. Une convention entre la Société des Nations SDN et le pays vainqueur stipulait qu'aucun pays parmi ceux qui étaient aux mains des Allemands n'avait aucun droit de former leurs propres forces armées. Le Burundi n'avait pas de militaires jusqu'en 1960. Il n'y avait que des militaires congolais. Ce sont eux qui assuraient la sécurité suite à cette convention de la SDN et les pays vainqueurs de la guerre mondiale. Le roi n'avait pas une armée. Les premiers militaires qui ont existé, ce sont ceux avec qui on étudiait ensemble au secondaire. Pendant la colonisation, les provinces de Ngozi, Muyinga, Gitega et Bujumbura étaient sécurisées par les militaires congolais. Professeur d'histoire Émile Mouroha, traduit en français par notre confrère Évariste Nzikoba Nyanga. Et le 1er juillet, le Burundi va célébrer le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans un point de presse animé ce lundi, le président du Comité national des fêtes dit que chaque institution ou organisation sera représentée par 58 personnes au défilé. Ambassadeur Zéphérin Manila Tanga indique que cette journée sera célébrée sous le thème Shingi Chumumo Mashinga, Gabinahe Yubugabo Kubugingo. Je vous propose de l'écouter. On fait signe de l'autre côté de la vitrine que l'élément n'est pas encore disponible, mais à 13h05 sur Isanganiro, une courte pause et puis on va observer la page commerce. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains commerçants du marché d'Iché Sillon ont fermé leur stand car, disent-ils, ils travaillent à perte et ne parviennent plus à payer le loyer de leurs échoppes en raison de la fermeture des frontières suite à la pandémie du Covid-19. Ceux qui se sont exprimés à la radio Isanganiro demandent la réouverture des frontières avant que la situation ne s'empire. Armel Moutore. Certains commerçants du marché d'Iché Sillon, qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi, disent qu'ils travaillent à perte depuis que les frontières du pays sont fermées suite à la propagation de la pandémie du Covid-19. D'autres ont déjà abandonné leurs activités parce qu'ils ne pouvaient plus supporter cette situation. Ceux qui continuent le commerce disent que si la situation perdure, ils seront eux aussi contraints d'abandonner leurs activités. Ils demandent aux autorités compétentes de faire tout leur possible pour alléger leurs souffrances et voir les voies et moyens possibles pour ouvrir les frontières et permettre les échanges commerciaux. Lors de notre passage à ce marché, le parking, qui était d'habitude bondé de véhicules effectuant le transport transfrontalier, était vide. Merci Moutole. Et on poursuit avec le journal. L'association Nabariza pour les droits des prisonniers dit avoir l'espoir que le chef de l'État et son gouvernement vont tout faire pour rétablir dans leurs droits les bénéficiaires de la grâce présidentielle qui leur a été accordée par feu président Pierre Nkurunziza en 2019. Le coordinateur provincial de cette association signale qu'il reste confiant que le nouveau ministre de la Justice va cette fois-ci clôturer ce dossier. Suivez-le, il est traduit en français par Jean-Marie Mayong. Le chef de l'État avait donné la grâce présidentielle en date du 31 décembre 2019 pour les détenus qui avaient une peine de 5 ans. Au sein de l'association Nabariza, nous ne craignons de rien car un nouveau gouvernement est là. Comme le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, l'a annoncé, que son gouvernement va travailler pour le bien de tous, nous espérons que parmi ceux qui seront priorisés pour être libérés, en tant que défenseurs des droits des prisonniers et de leurs familles, les premiers devraient être ces prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle signée par feu président qui était toujours gardé en prison. Nous disons cela au moment où la nouvelle ministre de la Justice n'a pas encore démarré les activités et qu'elle s'intéresse aux questions des prisonniers. Nous espérons que dans ces jours-ci, les détenus vont bénéficier d'une suite favorable, surtout ceux qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle de feu Pierre Nkurunziza. Et nous savons que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, lui aussi se préoccupe des questions des droits de l'homme. Nous espérons que les prisonniers vont prochainement être relaxés. Transport à présent, les transporteurs des biens à bord des vélos qui empruntent la route communément appelée Avenue du Large se plaignent comme quoi leurs activités sont parfois déstabilisées car ils se voient refuser de traverser le pont de la rivière Mouha. Que ce soit les taxis vélos ou toute autre personne privée qui utilise cette route, demande à la police et à l'administration municipale de prendre des mesures qui s'imposent pour rétablir la situation. Ezekiel Ndikumenay. Ces conducteurs de vélo exerçant leurs activités sur l'avenue du Large disent que leur travail est parfois paralysé par le refus de traverser le pont de la rivière Mouha et Nahangwa. Ces derniers expliquent que parfois les bicyclettes saisies ne sont pas récupérées ou les propriétaires se voient obligés de payer une amende qu'ils qualifient d'insupportable sans toutefois bénéficier de la quittance. Les gens qui utilisent le vélo pour le transport de leurs articles de commerce demandent à l'État de trouver solution à cette question. Ces conducteurs disent ignorer d'où est venue cette décision, selon eux. Quand on interdisait même la circulation des vélos au centre-ville, cette route fonctionnait sans problème. Oui, et la rédaction Isanganiro a cherché à contacter les responsables de la police et de la sécurité routière, mais sans succès, nous continuons à chercher ces responsables. Isanganiro. En page sportive, l'équipe Gymkhana a remporté ce dimanche la finale du tournoi de basketball qui a été organisé par les jeunes natifs du quartier Djabé à mairie de Bujumbura. C'est après avoir battu New Star sur un score de 74-49 lors des matchs comptant pour la demi-finale qui ont été livrés samedi passé au terrain du département des sports. Gymkhana avait battu les Hippos à 66-47 au moment où New Star a éliminé Urunani sur un score de 56-44. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de taekwondo doit être un pratiquant de ce sport, détenteur de la ceinture de couleur noire. C'est l'explication du président de la Fédération burundaise de taekwondo. Pour atteindre le niveau d'arbitre international, on doit passer les tests qui sont organisés par la Fédération internationale de taekwondo. Les détails dans cette chronique sportive avec notre consoeur Marie-Claire Kazenez. Un arbitre de taekwondo doit être le pratiquant de ce sport qui a suivi la formation des règles le régissant. Cela est dit par Cyprien Bigirimana, président de la Fédération burundaise de taekwondo. Un arbitre de taekwondo, c'est quelqu'un qui arbitre en taekwondo et qui connaît les techniques de taekwondo, qui connaît les techniques d'arbitrage. On doit connaître ces deux techniques. D'abord, en taekwondo, on ne peut pas arbitrer sans savoir les techniques de taekwondo. On doit connaître les techniques d'arbitrage, raison pour laquelle on ne peut pas être arbitre arbitre en taekwondo sans qu'on ait la ceinture noire. Pour devenir un arbitre international, ce président de la Fédération de taekwondo Burundi fait savoir qu'on doit passer les tests organisés par la Fédération internationale de taekwondo. Il y a des critères qu'on exige. D'abord, on passe les tests. D'abord, on fait un appel. Et puis, on fait des entraînements, on délivre les certificats. Ce sont ceux qui ont reçu les certificats qui posent la candidature pour être l'arbitre international. Lors des compétitions, Cyprien Vigilimana explique qu'un arbitre de taekwondo collabore avec 4 juges chargés d'écrire les points tout en précisant que c'est l'arbitre qui proclame les résultats. Il est là pour contrôler les fautes que font les deux athlètes ou les joueurs. Et puis, lorsqu'il s'agit d'une compétition, normalement, un terrain connaît 4 juges. Chaque coin se trouve un juge. Et 3 doivent marquer un point dans moins de 2 secondes. Lorsque le jeu est terminé, on appelle les juges, ils amènent les points et puis on additionne. L'arbitre central collabore avec les 2 juges lorsqu'il s'agit de proclamer. C'est lui qui appelle les juges d'amener les points et puis, une fois l'addition terminée, que les officiers de table communiquent le gagnant à l'arbitre. Dans la prochaine chronique sportive, ce président de la Fédération burundaise de taekwondo expliquera les sanctions infligées à un arbitre qui se comporte de façon irresponsable lors des compétitions. Marie-Claire Kazeneza, et le rendez-vous est pris. Et pour clore, les coopératives financées à hauteur de 10 millions de francs sur toutes les collines du pays se portent bien, si, même si des défis ne manquent pas, notamment les manques de transport, constat d'Oscar Barangariza, directeur général de l'Agence nationale de promotion et de la régulation des sociétés coopératives, ANACOP en sigle. Il rassurait que ces coopératives ne vont pas connaître des pertes, mais si jamais cette situation survenait, elles seraient analysées de façon transparente. Il s'exprime après les inquiétudes des membres des coopératives dans les provinces de Mwaro et Muyinga sur les risques de pertes. Suivez. Aujourd'hui, la promotion de cette coopérative a eu lieu il y a une année. Le constat est que le rendement quand même est considérable dans toutes les sociétés coopératives. Même s'il y a ce qui reste en arrière par rapport aux autres, mais on peut dire que les activités que ces sociétés coopératives réalisent nous donnent espoir. Nous donnent espoir parce que on voit que la production, par exemple, du riz cette année est abondante. La production est abondante dans les provinces de Cibitoke et Bubanza. La pomme de terre à Mahwa, la quantité est très suffisante. Les pommes de terre à Kayanza. Et partout sur le territoire national, les sociétés coopératives œuvrent vraiment d'une manière à saluer. Mais quand même, vous savez que les défis ne manquent pas. Pour vous évoquer, par exemple, la fièvre porcine, le projet de porc peut être perturbé par cette fièvre. Manque de pharmacies vétérinaires partout sur tout le territoire national. Les aléas climatiques qui peuvent perturber les cultures. En cas de faillite d'une société coopérative, qu'est-ce que vous faites? Le projet a des risques, mais l'ANACOP doit quand même protéger cette coopérative pour que la faillite ne soit réalisée et que cette faillite soit observée à un niveau très bas. Les sociétés coopératives travaillent en transparence parce que les organes des sociétés coopératives, chaque organe accomplit ses propres missions. Avec cette séparation des missions que les organes accomplissent, empêche cette faillite évidemment. Parce qu'il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration, il y a le conseil de surveillance. Si ces organes travaillent bien en transparence, je pense que la faillite peut être réduite ou ne pas exister même. Mais ce que notre souhait est que l'ANACOP ait des moyens suffisants pour qu'elle puisse encadrer ces sociétés coopératives pour éviter ces faillites. Oscar Barangariza, directeur général de l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives, ANACOP en sigle, qui répondait aux questions de notre confrère Elie Nibel Nibigila. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Kimana qui a assuré la mise en onde et à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à la réalisation. Ce journal vous a été présenté par Aimé Richard Lyon-Hourou. Bonne journée chez vous. Au revoir.